Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les relations entre la Chine et l'Occident à l'époque de l'Empire romain. Les Romains savaient qu'il existait quelque part, mais très très loin à l'est, une denrée extrêmement rare et extrêmement précieuse qui était la soie, mais dont l'origine était complètement gardée secrète. Les Romains voudront percer ce mystère et ce secret entourant la soie dont parle le géographe Henri Dorion à l'émission Géographie du monde en 1994. C'est d'ailleurs par la fameuse route de la soie que se fera le contact entre l'Empire romain et la Chine de la dynastie des Han. L'histoire des liens commerciaux entre la Chine et l'Occident, si important aujourd'hui dans l'économie mondiale, remonterait donc à plus de 2000 ans déjà. Seront déployés à la frontière. La région entière de la route de la soie sera à moi. Je suis Lucius, commandant général. Tiberius est un homme doublé d'un traître. Je veux t'aider, je le peux. Extrait de la bande-annonce du film Dragon Blade, réalisé par Daniel Lee en 2015. Ce film, Dragon Blade, fait partie des quelques films qui, depuis quelques années, traitent de ces rapports anciens entre la Chine et l'Occident, l'Empire romain à l'époque. Pour nous parler des origines, justement, de ces liens entre Orient et Occident, mon invité est Raphaël Whelan, doctorant en histoire ancienne à l'Université de Montréal, où il enseigne aussi l'histoire du monde gréco-romain et byzantin. Raphaël Whelan, bonjour. Bonjour. On vient de l'entendre, Dragon Blade, c'est au fond ce qui reste, en tout cas une partie de ce qui reste, dans notre imaginaire de ces rapports anciens entre ces deux empires chinois et romains. Qu'est-ce qui, plus largement que ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui reste de tout ça dans notre imaginaire collectif, Raphaël Whelan? Alors, je pense qu'il faut vraiment établir une différence entre ce qu'on essaye de retrouver aujourd'hui et qu'on a une vision actuelle, une Chine qui monte, un Occident en plein de doute et une volonté donc à essayer d'explorer la manière dont ça se passait au cours des derniers siècles. Donc il y a vraiment de ça, mais il y a une base très fragile au-delà de cela. Beaucoup de personnes qui vont donc dans ce film expliquer des armées romaines qui se promènent sur des milliers de kilomètres pour aller voir les Chinois, des Chinois qui se promènent sur des milliers de kilomètres pour aller voir les Romains. Historiquement, ceci est donc extrêmement fragile. Ouais. Et très loin de la réalité. Oui, tout à fait. Il n'y a pas du tout d'entente pour se partager le monde ou pour se défendre contre des méchants. Ouais. Ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Et ce qui est fascinant, parce que Dragon Blade, c'est un film récent, ça remonte à 2015, mais il y a d'autres films encore plus récents, La Grande Muraille, qui vient d'être produit. Au fond, ce qui est fascinant, c'est que ces films-là en disent probablement plus, Raphaël Whelan, sur les relations actuelles entre Chine et États-Unis. Il y a des coproductions là-dedans. Il y a parfois La Grande Muraille, c'est un film chinois, mais il y a des Américains qui jouent dans le film. Ça parle plus de l'époque actuelle que de l'époque qu'on décrit soi-disant dans ces films. Oui, absolument. En fait, c'est une manière d'essayer d'ancrer dans l'histoire, mais une histoire réinventée et fausse. Ouais. À tout le monde très fragile, essayer de d'ancrer dans l'histoire les rapports qui sont les rapports actuels, essayer de faire valoir de manière peut-être très exagérée et grossière le fait que nous sommes tous des amis et nous devons nous entendre ensemble contre des méchants divers. Ouais. Alors revenons à la vraie et la grande histoire. Commençons par peut-être situer un peu les deux empires qui vont être au cœur de cette émission, l'Empire romain et l'Empire de la dynastie des Han. D'abord l'Empire romain, à quoi ressemble-t-il? Comment on peut le décrire? Alors, l'Empire romain, c'est un empire qui s'étend, avec cette période de la route de la soie. C'est vraiment une période, qui commence avec les premiers siècles de notre ère et qui va aller jusqu'au, en gros, le 15e siècle. Donc, c'est pas seulement l'Empire romain, ouais. Mais c'est avec l'Empire romain que ça va commencer. Cet Empire romain, c'est un empire qui s'étend de l'Angleterre jusqu'à la Syrie actuelle. C'est un empire assez décentralisé. L'empereur est un général en chef qui concentre des pouvoirs civils. Il y a un sénat qui a un certain nombre de responsabilités. Il y a donc des villes qui ont eux aussi des responsabilités locales. Et il y a vraiment une division entre un Occident latin et un Orient plus grec, un Orient qui a déjà depuis des siècles l'habitude de regarder vers l'Est pour commercer, alors que ce soit par la mer Rouge, pour s'en aller jusqu'en Inde, ou à travers les débuts, les prodromes de la route de la soie, donc par la terre, vers l'Irak, vers l'Iran, et au-delà, l'Asie centrale et la Chine. Qui fait cet empire à peu près quoi, 40, 50 millions d'habitants, alors que déjà en Chine, on est un peu plus nombreux, pas énormément à ce moment-là, mais la dynastie des Han, la Chine de la dynastie des Han, c'est quoi, à peu près 60 millions d'habitants? Absolument. En fait, pour l'Empire romain, les estimations sont très variables et basées sur des déductions à partir de toutes sortes de choses. C'est, disons que c'est peu basé dans la réalité, alors que les Chinois, dès cette époque-là, vont déjà mener des recensements qui sont considérés comme assez fiables. Et on dit que donc en l'an 2, après Jésus-Christ actuel, il y aurait 59 millions et des poussières d'habitants dans cet empire Han. Donc c'est un empire, cet empire Han, beaucoup plus centralisé que l'empire romain, beaucoup plus bureaucratisé. On compte peut-être 150 000 fonctionnaires dans l'empire, alors qu'il y en a peut-être quelques centaines dans l'empire romain. Ouais. Un empereur qui est un dieu vivant, avec une succession par hérédité, bien enclenchée et bien organisée. Donc en fait, un empire qui, jusqu'à un certain point, est bien plus développé que l'empire romain. Ouais. Qu'est-ce que les deux empires, qui sont loin l'un de l'autre, mais qui sont tout aussi importants l'un que l'autre, qu'est-ce que ces deux empires connaissent l'un de l'autre? Alors, pour l'essentiel, ils connaissent en fait un ensemble d'informations qui sont parfois surprenamment exactes. Les Romains savent qu'il existe tout au long, de l'autre côté de leur continent, un peuple qu'ils appellent les Cérès, du mot Ceta en latin qui veut dire la soie, donc ceux qui font la soie. Ils vivent très loin à l'est, quelque part. Ils savent qu'il y a un autre peuple qui s'appelle les Sina, qui va donner sinologue, enfin bon, ce genre de racine-là, qui eux vivent à peu près au même endroit, mais on les atteint par la mer. Et pour eux, ce sont deux peuples différents. Donc, si vous voulez, vous avez dans les cartes romaines une sorte de centre complètement à l'est du continent, qui serait sur le bord d'un océan à l'est. Au nord, il y aurait une plaine de nomades, aujourd'hui la Mongolie. Au sud, il y aurait l'Inde. Bon, c'est un peu grossier comme géographie, mais on est quand même dans quelque chose de pas mal au niveau des connaissances, au niveau de la géographie générale. Les Romains savent que donc il y a ces gens qui sont là-bas. Ils ont de la soie, ils ont dit certaines autres choses. Ils connaissent pas grand-chose de plus que cela. Mais à côté de ça, ils ont aussi toutes sortes d'informations très précises, probablement provenant de marchands, de capitaines de navires. Alors, quels sont les meilleurs vents? Quelles sont les meilleures auberges? Les divertissements dans les meilleures auberges, des choses de genre là. Les Chinois, eux, ont des informations plus précises qui leur sont apportées par des officiers qui sont envoyés par l'empereur vers l'ouest pour essayer de reconnaître les grandes routes et, qui sait, d'influencer ou de dominer la région. Et ils connaissent surtout ce qu'eux appellent Da Qin, le Grand Qin, le Grand Empire romain apparemment. Ils le connaissent très bien pour sa portion orientale. Donc en gros, pour eux, l'Empire romain, c'est la Syrie, l'Égypte, la Turquie actuelle. Ils pensent que la capitale est à Antioche, aujourd'hui entre la Syrie et la Turquie, peut-être à Constantinople, à Istanbul. Ouais. Ils ont toutes sortes de détails, de grands ponts, le nom des grandes villes, le phare d'Alexandrie. Donc, quelque chose de plus détaillé du côté chinois que du côté romain. Mais en même temps, du côté chinois, il y a aussi toutes sortes de légendes. Ouais. La pluie tombe sur le côté et pas depuis le ciel dans l'Empire romain. Il y a des conditions terribles. Oui, des choses très étranges. En fait, l'Empire romain, pour les Chinois, c'est une sorte d'anti-Chine dans laquelle la nature est à l'envers de ce qu'elle est en Chine. Il y aura quand même des relations qui vont s'établir entre ces deux empires malgré la distance. De quel type de relations peut-on parler? On écoute d'abord l'extrait diffusé à BBC4 en septembre 2016. Rebecca Redfern, qui est archéologue au Musée de Londres, qui nous parle d'une découverte récente, la découverte de deux squelettes chinois à Londres. C'est absolument phénoménal. C'est la première fois que nous identifions un descendant asiatique dans ce qui a été autrefois l'Empire romain britannique. C'est le troisième ou quatrième cas du genre seulement, et les autres cas sont en Italie. Comment pouvez-vous être sûr que ce sont des Chinois? Nous utilisons une technologie française qui permet de comparer la forme du visage des spécimens étudiés avec la morphologie de populations plus récentes. Et dans ce cas-ci, on se retrouve avec quelque chose qui est très proche des populations chinoises ou japonaises du 19e siècle. Alors, il y aura au moins, Raphaël Welland, deux Chinois qui se rendront à Londres. Je dis ça un peu en boutade, mais c'est pas loin de la réalité. Il y a des Chinois qui vont se rendre à Londres, il y a des Chinois qui vont se rendre en Italie, ailleurs dans l'Empire romain, mais très, très peu. Ce sera l'exception et inversement. Il y a peu de contacts directs, en fait. Absolument. Il y a en fait des légendes plus qu'autre chose. Alors, on a un auteur du 2e siècle romain qui va décrire, c'est un auteur qui s'appelle Florus, qui va décrire comment est-ce que, à l'avènement de l'Empire, le premier empereur Auguste reçoit la soumission de tous les peuples de la Terre, y compris une ambassade qui vient de l'Inde et même du lointain territoire des Cérès. Mais c'est probablement plus de la propagande, le fait que la Terre entière s'agenouille devant lui, qu'une réalité. De l'autre côté, on a un nombre d'ambassades plus importantes. Alors, les Romains auraient envoyé des ambassades. On en a un exemple pour 166 après Jésus-Christ, 226 et 284. Sauf qu'il est très difficile de déterminer si ces gens-là sont véritablement des envoyés, des ambassadeurs, ou des marchands qui se font passer pour des ambassadeurs. Ils ont des produits qui sont des produits chinois ou disons asiatiques et qui vont offrir à l'empereur. Ouais. Et là aussi, il est difficile de départager ce qui tient de la propagande, donc un empereur chinois qui accueillerait le monde entier à sa cour et ce qui tiendrait de la réalité. Quelques artistes aussi, il y a des traces, là, on sait qu'il y a des gens qui se baladent un peu entre les deux empires, mais ça s'arrête à peu près à ça. Encore une fois, il faut comprendre, c'est une distance énorme qu'il faut parcourir. La route de la soie va graduellement s'installer, mais ce sera graduel. Et puis, il y a, Raphaël Welland aussi, un obstacle qui se dresse entre les deux empires, c'est qu'il y a des petits États d'Asie centrale, des plus petits empires, en fait, qui sont là et qui bloquent, en quelque sorte, le passage. Absolument. Écoutez, ce sont des intermédiaires commerciaux. Alors, en Iran, vous allez avoir plusieurs dynasties. Vous en aurez aussi en Asie centrale, les Kushan, par exemple. Ce genre de dynasties-là qui vont s'installer à divers moments dans les premiers siècles de notre ère. Et ces empires-là vont effectivement lever des taxes et des impôts sur le transfert des marchandises. Ils vont eux-mêmes transformer et participer à ce commerce-là. Ce commerce-là eurasiens, hein. Mais ils sont avant tout des intermédiaires. Et évidemment, ils ne veulent pas être mis de côté de telle manière c'est qu'ils vont... C'est payant d'être intermédiaire pour eux. Absolument. Ce sont des empires extrêmement riches. Et puis, ce sont des empires donc, qui vont à la fois donc, faire la guerre pour éviter que les Chinois aient directement accès au marché romain ou inversement, mais aussi qui vont déployer des trésors d'ingéniosité pour raconter des légendes très étranges. Alors, on va raconter par exemple que la soie proviendrait d'une sorte d'araignée géante qui donc fabriquerait de la soie comme le fil de l'araignée. Et donc, ce serait une monstruosité, une princesse devenue araignée, etc., etc. Ils vont raconter apparemment aux Chinois que les Romains sont des barbares, méchants, cruels, etc. Il ne faut pas aller là-bas. Voilà. L'idée, c'est de les dissuader de franchir cet obstacle et de se rendre directement dans l'autre empire. Cela dit, la route de la soie va quand même prendre de l'importance au fil du temps, sera au cœur de ces échanges entre l'Empire romain et l'Empire chinois de la dynastie des Han. Je vous présente à nouveau le géographe Henri Dorion à l'émission Géographie du monde en 1994. Il nous parle un peu de cette fameuse route de la soie. Cette grande route qui se prolongeait sur des milliers de kilomètres, sur plus de 4000 kilomètres, de telle sorte que le long de cette très longue route de la Chine à la Méditerranée se sont développés des relais, des auberges ou l'équivalent des auberges dans ce milieu qu'on appelait des caravansérails où l'on recevait les caravanes. Une route le long desquelles s'échelonnaient des agglomérations de marchands, d'ambassadeurs aussi, parce qu'il fallait des personnes qui parlaient l'une ou plusieurs des langues des peuplades traversées. Un grand chemin, dans le fond, qui a été très longtemps un véritable mystère. Quelle importance aura, Raphaël Welland, cette route de la soie? Puis, pour revenir un petit peu sur ce que vient de dire Henri Dorion, à quoi va ressembler la vie sur cette route de la soie? Alors, je vais devoir immédiatement vous décevoir, en fait. Il n'y a pas à peu près tous les termes, quand on dit la route de la soie, à peu près tous les termes sont faux. Ouais. Il n'y a pas une seule route, mais plusieurs itinéraires. Ce ne sont pas que des routes, parce qu'on va passer par la terre, mais aussi par la mer, en cabotant le long des côtes de l'Iran, de l'Irak, de l'Égypte, etc. Et puis d'autre part, on ne va pas transporter que de la soie. On va transporter toutes sortes d'autres objets, on y reviendra, mais toutes sortes d'objets, mais aussi des idées, des éléments de culture, etc. Les gens qui vont se promener d'un côté comme de l'autre sont probablement des exclus, des gens qui partent pour des années parfois. Ouais. C'est un voyage qui est très dangereux, c'est un voyage qui est très lucratif si on parvient à se rendre jusqu'au bout. Et ces gens-là sont très certainement des gens qui ne sont plus ni véritablement romains, ni véritablement grecs ou iraniens ou chinois. Ce sont des gens qui sont dans une sorte d'entre-deux, avec probablement une sorte de communauté qui se crée entre ces différentes personnes qui ont des expériences communes dans les caravansérails. Ils sont célèbres en Iran, en Irak, en Turquie, ailleurs, mais aussi dans des réseaux d'auberges. On va en retrouver par exemple au Tibet, on va en retrouver dans le Xinjiang, le début de la route de la soie dans le nord-ouest de la Chine actuelle. Donc on va avoir effectivement des espèces d'hôtels qui vont être créés, alors parfois par les pouvoirs publics qui vont vouloir essayer de stimuler le commerce. Et puis au contraire, vous aurez aussi des attaques dangereuses de la part de différents brigands, peuplades, empires rivaux qui vont à plusieurs reprises couper cette route de la soie. Et que s'échange-t-on donc sur cette fameuse route de la soie? On écoute un extrait de la série documentaire Eurasia, réalisée par Patrick Caboura en 2004. Le 5 février 1964, une formidable nouvelle surprend la communauté archéologique de Rome. Le corps momifié d'une fillette, inhumée à l'époque romaine, a été découvert dans un sarcophage de marbre. La dépouille est aussitôt soumise à des examens scientifiques approfondis. Un minuscule morceau d'étoffe de soie avait intrigué les chercheurs. L'image agrandie de ses fibres a montré que les fils étaient tissés comme seuls savaient le faire les Chinois. Il a été très intéressant de découvrir qu'elle portait de la soie lorsqu'elle a été inhumée. E la bambina indossava al momento della sepoltura e conferma anche il fatto che si trattasse di importazione. Cela confirme che cette étoffe provenait de ce que l'on appelait la route de la soie, qui était très fréquentée dès le deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors des traces de ce commerce, on vient de l'entendre, cette sépulture de cette jeune fille, elle est découverte en 1964, mais donc les traces de ce commerce entre les deux empires, on en a découvert au fil du temps, encore récemment. Quels produits sont échangés sur cette fameuse route de la soie? Alors, il faut d'abord dire que le commerce en Eurasie existe depuis des milliers d'années, avant même l'Empire romain et l'Empire chinois. On a par exemple des morceaux de flèches fabriqués en Asie centrale, en Égypte, à l'époque des pyramides, des morceaux d'or, des morceaux de cuivre qui proviennent d'Iran, dans les premières villes mésopotamiennes, des milliers d'années avant Jésus-Christ, etc. Donc il existe déjà une sorte de réseau commercial continental. À l'époque romaine et chinoise, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir des empires beaucoup plus stables qui vont donc construire des caravansérails, etc., qui vont stimuler le commerce. Et là, on va avoir un commerce dans lequel, en gros, les Chinois vont exporter de la soie, de la laque, du jade, et les Romains vont envoyer des vêtements, ils vont envoyer des coquillages, ils vont envoyer du vin aussi, différentes choses de ce genre-là. Et un petit élément que j'aime beaucoup, les Chinois adorent apparemment les vêtements faits en amiante. Ça brille, on dirait que c'est comme si c'était des vagues. Ils trouvent ça magnifique. Les Romains savent que ça cause des problèmes aux poumons, cette amiante, mais ça les dérange pas. Ils exportent néanmoins ce genre de choses-là. Et aussi, les Romains vont beaucoup exporter le travail du verre, des verreries multicolores, etc., qu'on va retrouver à différents endroits le long de la route de la soie. Ouais. Puis comme aujourd'hui, au fond, c'est un peu le libre-échange avant l'heure, mais il y a des allers-retours. Hein. Beaucoup, par exemple, on va utiliser de la soie qui vient de Chine, qui sera transformée en vêtements à Rome, qui sera retournée ensuite en Chine. Donc, il y aura de ces allers-retours. Cette fameuse route de la soie, quand commence-t-elle à décliner, Raphaël Wallan, et pourquoi, au fond, l'abandonne-t-on? Alors, En fait, il va y avoir deux éléments centraux dans le fait qu'il y a un déclin de cette route. Premièrement, la stabilité impériale d'un côté comme de l'autre et au milieu, qui avait permis, donc, disons, de pouvoir s'arranger entre partenaires et pouvoir laisser passer les marchandises, va diminuer. Le grand moment, ça va être la période de l'Empire mongol, qui au XIIIe siècle va aller de la Chine jusqu'à la Syrie. Et donc là, vous avez vraiment un élément parfait pour le commerce. Mais avec la dislocation de cet empire, de l'empire byzantin en Turquie, avec la destruction de l'empire des Mamelouks en Égypte, on va vraiment se retrouver avec une sorte de vacuum de pouvoir qui va être très mauvais pour le commerce. Ça va être la montée de l'empire ottoman, mais pendant un ou deux siècles, 14e, 15e, peut-être même 16e siècle, on aura beaucoup de difficultés à commercer sur cette route. Mmh. L'autre élément essentiel, c'est que la route va être remplacée par une autre. Cette période-là, c'est aussi la période, et ça nous touche évidemment au Québec, de la découverte de l'Amérique, des premiers éléments de colonisation. Et les Occidentaux, en fait, vont arrêter de commercer autant qu'ils le faisaient avant avec l'Asie pour se tourner plutôt vers le commerce, vers l'Amérique du Sud, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Nord, le fameux commerce triangulaire qui va apporter une telle richesse à l'Europe et toutes sortes de problèmes à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud. Mmh. Au final, Raphaël Walland, on boucle un peu la boucle. On parlait au tout début de ces films qui nous ramènent, qui tentent de reconstituer très maladroitement les rapports anciens entre l'Empire romain à l'époque et la Chine, la dynastie des Han. Quand on gratte un peu, Raphaël, dans quelle mesure ces rapports, on l'a vu, qui sont commerciaux, qui sont la plupart du temps indirects, dans quelle mesure ils ont laissé des traces sur le plan culturel, je dirais? Dans quelle mesure les deux empires se sont influencés à l'époque? Alors, l'élément essentiel, c'est probablement le christianisme. Un christianisme qui va le long de la route de la soie, depuis la Syrie, depuis l'Égypte, s'en aller vers l'Iran et plus tard donc vers l'Inde et la Chine. Ce sont des chrétiens qu'on appelle des chrétiens nestoriens, donc une hérésie chrétienne qui plus ou moins n'existe plus à partir du 5e, 6e siècle dans l'Empire byzantin et donc dans l'ancien Empire romain, mais qui va se développer, faire florès absolument en Chine. Mmh. Et plus tard, lorsque les Mongols vont revenir et arriver à l'époque des croisades, attaquer le monde musulman, s'emparer de Bagdad, pousser vers la Syrie, etc., les croisés chrétiens, catholiques, vont avoir leur surprise de voir arriver chez ces Mongols, dans leur bagage, des frères chrétiens, depuis longtemps oubliés, séparés, mais qui en fait sont arrivés jusque là-bas, justement, du fait de la route de la soie. Il va y avoir aussi des échanges de l'autre côté, des manières de faire certaines représentations. On va voir, par exemple, la figure d'Hercule va être représentée de la Grèce vers l'Iran, puis vers la Chine. Ah bon. On a même des exemples au Japon. Ouais. De l'autre côté, on a une représentation de trois lièvres qu'on connaît dès le 5e siècle en Chine et qui va être transféré en Iran au 8e siècle, au Moyen-Âge, en Angleterre, dans les grandes cathédrales. Donc vraiment, on a certains éléments qui passent de l'un à l'autre, mais il ne faudrait pas non plus exagérer. Mmh. Et pour l'essentiel, en fait, ça reste des empires qui se connaissent maladroitement, s'admirent peut-être quelque peu, mais au final sont trop éloignés l'un de l'autre pour véritablement exercer une influence déterminante l'un sur l'autre. C'était fascinant, Raphaël Walland. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Raphaël Walland, je le rappelle, est doctorant en histoire ancienne à l'Université de Montréal. Il enseigne également à l'Université de Montréal l'histoire du monde gréco-romain et byzantin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. We'll be right back.